Automatique ce soir avec Jack Dangers, morceau Zero, auparavant Suicide, Peaches, Robots in Disguise, Ming, Memory Boy, Félix the House Cat, Peace Orchestra, Gilles Poirier, David Guetta, Green Velvet et Frank Voice. Pour terminer, Nodurn, extrait du volume 2 des Personal Settings, sorti sur Quatermass, le label belge qui vient de mettre en ligne son nouveau site web www.quatermass.net. Allez y voir parce qu'il y a plein de sons à écouter, de morceaux entiers à entendre, et puis il y a plein de surprises à la fois visuelles et sonores sur le site, je vous le recommande. Nodurn pour terminer. C'était les musiques automatiques, vous pouvez retrouver le conducteur sur www.rtbf.be/radio21. Vous cherchez musique automatique dans les émissions. Je vous retrouve à 23h et puis dans 3 minutes, t'en veux, j'en ai. Couvert pour bien moins cher. Tout, tout, tout. T'en veux? J'en ai! J'en ai! T'en veux? J'en ai! T'en veux? J'en ai! T'en veux? J'en ai! T'en veux? J'en ai! Voilà, vous êtes prêts? Oui. Moi, pas tout à fait. Non, moi non plus, mais on, voilà. En radio, on ne voit pas qu'on n'est pas prêt. Et voilà. Bien, c'est T'en veux, j'en ai, le dernier de la saison. Ah oui, c'est l'émission spéciale braderie. Oui, tout doit partir. Tout doit partir. On va tout fin de faire saison, partir. Fin de oh là saison. Là, on a fait un grand nettoyage. Alors, de, le sommaire. Non, pas de printemps, mais d'été dans les armoires de TVJA. Le sommaire. Des femmes à poil. Des femmes nous, à poil. Non. Nous l'avons promis la semaine passée. Et dans un grand mélange pardon, de genres. C'est vous l'animateur. Des femmes à poil, de la violence insoutenable. Des animaux qui dansent. Et qui chantent. Et des cadeaux par... milliers. Ça, en principe, ça doit ramener oui. L'audience. Et en principe, il faudrait un petit liner, t'en veux, j'en ai pour c'est pas remonter. Du tout racoleur, quoi. On va le refaire. Oui. Et ce soir, pour la dernière, dans un grand mélange de genres, des femmes à poil. Des animaux qui dansent. Et qui chantent de la violence insoutenable. Et des cadeaux. Par milliers. T'en veux, j'en ai. Ah ben voilà. Et on en aura. Oh là là. Et ça doit le faire comme ça. Ah oui. Là, on va scorer normalement. Ça, c'est la new RTBF en marche. C'est bien simple. Ouais, sans concession. Oui. Et avec du frontal, du droit dans le mur. Oui, et puis avec un vrai sommaire. Un vrai sommaire. Ah ouais, c'est vrai. Donc, ah et une promesse qu'on doit tenir. Qu'on doit tenir. Vous savez qu'en publicité, il y a une règle d'or. La promesse doit être tenue. Oui, comme demain, j'enlève le haut. Voilà, exactement. La célèbre, hein. La célèbre. Et pour cette parade finale, un ingé façade. Comment dire? Qui fait presque... Qui est un peu comme... Vous savez, comme dans... Il y a une certaine époque, à Breakfast in America, dans Supertramp, l'ingénieur du son était crédité parmi les membres du groupe. Oui. Russell Pope. Voilà. C'est notre Russell Pope. Voilà. Philippe Van Der Beek, qui a survécu, il faut le rappeler, à cette émission mémorable en direct des Halles de Schaerbeek. Ah oui! Des anciennes Halles de Schaerbeek. Ah bon? Parce que tout est new cette semaine-ci. Cette semaine-ci, ce sont les new Halles de Schaerbeek avec un nouveau directeur qui est une directrice. Vous avez peut-être suivi ça? Du tout. Annick Deville. Pensez que j'ai le temps de parader dans les cocktails mondains. Annick Deville, ex-Bruxelles 2000, a pris la place de Philippe Grombert qui lui est parti diriger, vous savez, ce théâtre de la communauté française en Avignon. En Avignon. En Avignon. Voilà. Et donc, nous avons dorénavant, pour la première fois de son histoire, un changement de directeur aux Halles de Schaerbeek. Ouais. Voilà. Et donc, nous avions été dans les anciennes Halles de Schaerbeek en début de saison avec Benoît Poelvoorde et Philippe. Et Étienne Dao. Et Étienne Dao. Et Gilles Verland. Aussi. Qui parlait de son fils. Oui. Oui. Voilà. Alors, c'est déjà loin tout ça. Ah oui. C'est déjà mais loin bon, comme le temps passe. Mais bon, vous savez, t'en veux, j'en ai, c'est le regard droit devant, le menton fier et la démarche assurée. Ah oui, de toute manière. En avant. Il n'y a pas d'avance. On avance. En avant, arche. Vous voulez tout de suite commencer par quelque chose de très très fort? Oui. Oui. Scooby-Doo. Ah mais mon Dieu, évidemment. Où avais-je la tête? Mais oui. Juste mais pour oui, vous j'étais, dire. J'étais parvenu mais à l'oublier. Mais rapidement. J'étais parvenu à l'oublier pendant une semaine. Des faits. Ah, des faits. Des faits. Oui. Donc Scooby-Doo est sorti depuis une semaine. Pour ceux qui l'ignoraient, Scooby-Doo n'est pas uniquement une chanson de Sacha Distel et un merveilleux passe-temps des années 70, c'est également un gros chien. Un dog. Un dog. Un dog animé. Est-ce que c'est normal que mon casque fonctionne de façon alternative? Je sais que cette émission est alternative, mais est-ce que je n'aurais pas droit à ce que les deux oreilles du casque fonctionnent en même Ça temps? Ça doit s'appeler un faux contact. Ah. Il faut triturer le bitonio. Bon, allez, zou. C'est parce qu'il y a des invités d'autres émissions nocturnes qui arrachent le jack. Oui, parce que les miens sont sous haute surveillance. Évidemment. Je peux vous dire que les Avril et autres Sneaker Pimps qui étaient là mercredi après-midi, c'est au garde à vous dans exactement, le studio. Exactement, exactement. Voilà, et on dit bonjour monsieur et merci monsieur en partant. Et donc Scooby-Doo sorti depuis une semaine aux États-Unis. Est un Scooby-Doo dog en image digitale. Voilà, mais qui s'agit autour de vrais acteurs. C'est le smash absolu, Hugues. Non, pas absolu. L'absolu, c'est Spider-Man, mais ça, on y reviendra mercredi. Mais un beau smash quand même. Après une semaine d'exploitation en salle aux États-Unis, 71 millions de dollars. Eh bien, après une semaine, Spider-Man, 130, je pense. Bah, pour l'instant, Spider-Man est à 385 millions de dollars. Par contre, dollars. La guerre des étoiles s'est essoufflée assez rapidement. C'est étonnant comme on ne reçoit plus de communiqués triomphaliste de la guerre des étoiles. 274 millions de dollars pour Star Wars, alors que le film est plus ancien que Spider-Man. Hein. Ouais. Ouais. Donc ça veut dire que... Non, mais Scooby-Doo... Non, le film est sorti après Spider-Man, il faut être... Star Wars? Il faut être honnête, oui. est sorti après. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Mais il est plus ancien dans sa facture. Ça, c'est très clair. Il est très ancien dans sa facture. Oh, qu'est-ce qu'il est ancien. Rien que sur mercredi dernier aux États-Unis, Spider-Man, 796 milliers de dollars, 796 000 dollars, contre 561 000 pour Star Wars. Oh là là. Donc, un film plus ancien marche toujours beaucoup mieux que Star Wars. Simplement pour vous dire que trois films sont sortis la même semaine aux États-Unis, la même semaine que Scooby-Doo. Et de loin, Scooby-Doo, c'est le carton. 71 millions contre 36 millions pour celui qui est en deuxième position et 29 millions pour le suivant. Nous signalons que nous n'avons toujours pas vu Scooby-Doo. Donc c'est de la promotion aveugle que mon ami Rudy fait régulièrement. Ça s'appelle de l'intoxication filmique. Les foules américaines se pressent massivement. Oui. Devant les écrans. Elles font tout massivement, les foules américaines. Où sont projetées les images de Scooby-Doo. Par contre, la critique. Voilà. Oui, j'espère être en vacances quand il y aura la vision de presse. Et je garderai mon innocence. Et les deux autres blockbusters pour l'instant sont The Bourne Identity. Sans doute. Voilà, qui est une sorte de thriller avec Matt Damon, qui est un amnésique qui retrouve la mémoire. Allez. À ses dépens, voilà. Et qui s'appelle 13. Oui, je vois. Non. Je vois. The Bourne Identity. Et l'autre film qui score s'appelle Les Divins Secrets des Petites Yaya. Oh. Ouais, et c'est tiré d'un roman que vous connaissez peut-être, d'une madame qui s'appelle Rebecca Wells. Ça vous dit quelque chose? Ce bouquin traîne sur mon armoire depuis des mois. Je ne l'ai toujours pas ouvert. C'est l'histoire d'une... Comment on appelle ça? Une metteuse en scène, Hugues, vous qui fréquentez les milieux culturels du théâtre et des arts de la scène. Enfin, une dame qui met en scène et qui n'a plus d'idées. Et donc, elle demande à sa maman de lui envoyer son journal intime de quand il était jeune pour trouver l'inspiration. Et en fait, en lisant ce journal de sa maman, en quête d'anecdotes et d'historiettes pour monter une pièce de théâtre, eh bien, elle découvre qui est vraiment sa maman et d'où elle vient. Et donc, c'est un film de gonzesse, quoi. Et ça cartonne pour l'instant aux États-Unis avec, je vais dire une bêtise, je ne sais plus. Avec Sandra Bullock. Avec des actrices. Et Ashley Judd. Ashley Judd, je comprends mieux. Mais le divin secret de Petite Yaya. Donc, Scooby-Doo, ça score en salle, c'est descendu en flammes dans les journaux. Ceci dit, grâce à ça... l'actrice dont la cote a le plus monté cette semaine aux États-Unis, c'est Sarah Michelle Gellar, qui a doublé sa cote au box-office, on dit ça comme ça. Ouais. Donc elle vaut deux fois plus d'argent. Eh bien, moi je préfère Thora Birch. Thora Birch et ses flotteurs. Thora Birch, héroïne de Ghost World. Alors, je vous ai parlé de Ghost World. Pas déjà ? Oui, allons-y. Un peu de contenu, allons-y. Comme ça tout de suite. Oui. Hein. Je vous ai parlé de Ghost World il y a quelques semaines, film tiré de la bande dessinée de Daniel Cloves, adapté d'ailleurs par Daniel Cloves. Et je vous disais, quand même, je ne fais pas semblant, je ne peux pas faire semblant longtemps, ce n'est pas très crédible, que je connaissais visuellement le style de Daniel Cloves, mais que je ne m'étais jamais plongé dans la bande dessinée originale. Et il se fait que l'éditeur français Vertige Graphique, spécialisé dans la bande dessinée américaine, a eu l'idée opportune, mais en même temps la bonne idée, de republier Ghost World, l'intégrale, des nouvelles, puisque ce sont des nouvelles de 8-10 pages, de 8 pages généralement, faites par Daniel Cloves il y a quelques années, dans les années 90, agrémentées, augmentées. Je vous le prête. Oui, je tends la main et puis généreusement. C'est comme ça. Et c'est augmenté de croquis, de dessins préparatoires pour le film, de quelques notes de production, puisque Cloves a lui-même travaillé avec Terry Zwigoff sur l'adaptation de sa bande dessinée. Donc, c'est pas de l'opportunisme aveugle de dire « Ah, on va ressortir Ghost World ». Non, en fait, ça montre aussi une sorte de document préparatoire qui a présidé à l'élaboration du film. Et c'est franchement très bien foutu. D'abord, le format du bouquin respecte l'esprit de la bande dessinée américaine. Beaucoup plus un format livre qu'un format bande dessinée. C'est un peu le format des bouquins de l'association, quoi, en gros. Et je suis surtout éberlué. C'est monochrome. C'est monochrome, un peu comme les Bobé Bobette de la grande époque qui étaient en gris et rose. Oui. Ici, c'est en noir, blanc et vert. Et un beau émeraude. Un beau vert malade. Oui, turquoise émeraude, comme ça. Un beau vert malade. Alors, ça permet de voir, en fait, que L'adaptation, forcément, puisqu'elle est signée par Close, est très fidèle. Mais je trouve surtout que, contrairement à beaucoup d'exemples, il n'y a pas eu de déperdition au cinéma. Il y a même, je trouve qu'il y a même un supplément d'âme quand on voit Ghost World, parce qu'en fait... C'est le truc à la mode, ça, le petit supplément d'âme. Le petit supplément d'âme, elle l'a. Oui. Ouais. Et donc, non, honnêtement, je trouve que le jeu des actrices, comme le casting, est excellent. Il y a Steve Buscemi, il y a donc Tora Birch et Scarlett Johansson, qui jouent les protagonistes principaux de cette chronique de deux... post-ado, puisqu'elles ont terminé leurs études secondaires et qu'elles se demandent ce qu'elles vont faire dans cette Amérique profonde et que c'est vraiment... On termine les humanités à quoi, 17 ans, donc elles sont encore adolescentes. Oh non, c'est plus, c'est le début de l'âge adulte déjà, hein, quand on voit enfant admi, enfant non admi. On vous avait dit de la violence insoutenable. Oui, on est comme ça. Oui. C'est enfin, pire que moi. Oui. 17 ans, c'est déjà adulte. Je savais que je vous coincerais sur ce coup-là. Bon, toujours est-il que le film est vraiment bien parce qu'il garde l'esprit originel, le style graphique de Close, qui est une espèce de ligne claire à la fois tranquille et très laide. Il y a du crumb. C'est très laid. Non ? Il y a du crumb là-dedans ? Non, crumb est un ancrage beaucoup plus sale. Oui, oui. Ici, c'est beaucoup plus... C'est faussement sage et en fait, ça met très, très vite mal à l'aise. Par exemple, il y a des pauvres personnages qui ont des déformations faciales très désagréables, voyez-vous ? Oui, c'est pas gay du tout. Donc, c'est de la fausse ligne claire tranquille et en fait qui met très très vite mal à l'aise. Et je trouve franchement que je parlais de supplément d'âme au cinéma, mais le fait qu'ils aient trouvé des aussi bons acteurs qui parviennent à garder la saveur des dialogues de Close, mais à leur donner une vivacité supplémentaire, c'est vraiment une réussite. Et comme on se place toujours du point de vue du cochon de payant, du public dans cette émission. Ah, de celui et de celle qui douille. De celle qui douille. J'ai envie de faire un rapport qualité-prix. Et quand je vois, pour ce beau livre de 80 pages de bande dessinée, plus un beau dossier sur le film, que ça coûte gentiment 15 euros, quand on voit le nombre de romans... 600 balles. Quand on voit le nombre de romans qui sont vite imprimés, avec un beau gros bandeau rouge, hein, parce que c'est un auteur vedette, oui, et qu'on se tape du roman à disons 20-25 euros facile. 20-25 euros facile. Et là, franchement, on a un bel objet, on a un beau livre, on a un livre intelligent et en plus un beau livre. Un livre qu'on a envie de prêter à ses amis pour les vacances. Exactement. Merci. Franchement, je trouve que les éditions Vertige Graphique ont fait un beau travail parce que il y a beaucoup de bandes dessinées américaines qui sont traduites, je dis pas vaille que vaille, mais parfois de façon un peu rapide et un peu hâtive. Et là, franchement, je trouve qu'il y a un respect de l'esprit. Par exemple, je prends un autre exemple de bande dessinée américaine traduite qui est Calvin et Hobbes. Daniel Close, pour moi, il a dessiné des pochette de disque. C'est très possible. Mais je vous dis, je suis genre en train de... mouvance new-yorkaise à la Sonic Youth Beck, enfin pas eux, mais dans le à voisinage. Voir. On va regarder sur des sites. Mm-hmm. Hein, il y a certainement des internautes qui vont nous dire ça tout de suite. Il y a un excellent internaute qui m'a signalé d'autres livres de Daniel Close, qui était très fan, mais donc voilà, comme ouverture vers une bande dessinée américaine alternative et intelligente, puisque je vous dis, ma méconnaissance de la bande dessinée américaine, ma méconnaissance crasse, mais je trouve franchement que Vertige Graphique Primo fait du beau boulot et qu'en plus là a vraiment fait une belle réédition augmentée donc d'un cahier inédit sur le film. Voilà. Qui n'est déjà plus à l'affiche, évidemment. Si. Encore un petit peu. Oui. Dans une cave. Ah non, j'ai des amis qui ont été le voir, mercredi soir. Vous avez des amis ? Oui, incroyable. Qui ont l'accent tonique dans la phrase n'est pas. J'ai des amis qui sont allés le voir la semaine dernière, mais bien j'ai des amis. J'ai des amis qui ont atteint l'âge adulte qui ont été le voir. Ah. Non, je pense qu'il est encore disponible dans les bonnes librairies. Très bien. Cinématographiques. Non, je pense que franchement, il est visible. Bon, il faut un peu chercher. Mais c'est très calme pour l'instant, en plus, en salle. Hein, donc, puisque à gauche, Coupe du Monde, à droite, examen. Mais ça va bouger. Au milieu, les terrasses. Et on va en parler. Ça va bouger. Notamment, très bientôt, avec un film qui s'appelle Resident Evil. Mm-hmm. Avec Mila Jovovich. Ah oui, vu, oui. Entendu parler. Entendu parler, hein. Entendu parler. Oui, parce que Mila a fait une promotion avec son petit chien. Grosse promo. Oui. Et avec une bande originale dont le producteur exécutif est Marilyn Manson. Oh, donc il a, votre ami. Mon ami Brian ami. Warner, donc qui a pioché dans son carnet d'adresses et a ramené pratiquement tout ce qui compte de fripouille aux alentours pour enregistrer la BO. Lui-même s'est fendu du thème générique principal et instrumental du film, qu'on va écouter. Mais est-ce qu'on n'a pas dépassé le quota de Marilyn Manson cette saison ? Il n'y avait pas de quota. Ah, moi, c'était... je pensais qu'on avait assez. Non, c'était à, volo. Ah bon. C'était à volo. Ah, et donc, un premier concours. Comme à la taverne Mézère. Oui. Ah oui. À tout à volonté. Ah oui, saucisse au maître. Le Manson est au maître et à volonté. Oh, mais tu en veux ? J'en ai. Ah. Il aurait pu le faire. Il aurait pu. Premier concours ? Déjà, oh bah oui, chose bah à tout, tout doit partir. Tout doit partir. Donc ah, c'est vrai qu'il est déjà 9h16 et pas offre, encore de cadeau. On vous offre immédiatement au 070 344 221 des post-it Moby. Avec une question. Zéro qui, question. Qui dit ce t'en veux, j'en ai si, par exemple. Ah, celui-ci, au hasard. T'en veux, j'en ai. Oh, facile. Oui. Facile. 070 344 221, deux paquets de post-it. Je vous jure que c'est vrai. Deux paquets de post-it Moby. Qu'on place sur le crâne. On en fait ce qu'on veut. Quand on a plus d'idées. Ah, et oui. Si on trouve un rôle au cinéma avec Gérard Depardieu, on peut se les coller sur le front et GG écrira ses répliques sur le post-it Moby. C'est comme ça, c'est comme ça que ça se passe. Oui, oui. Bon, un petit Manson. Oh, voilà. Resident Est-ce Evil. Est-ce que j'ai le moyen de dire non? Aucun moyen. Voilà, Resident Evil. Mais il est gentil. Marilyn Manson. Mais il peut également chanter des ballades et en composer, la preuve. C'est un peu comme Ringo à la guitare que nous écoutions mercredi. Il n'est pas obligé de chanter. C'est Marilyn au clavier et au sample. Alors, la voix qui nous disait un si. Récoutons-la. Un si fait, Eric, t'en veux, j'en ai. T'en veux, j'en ai. J'en ai. C'est bien sûr, j'en ai. C'est Audrey Tautou et c'est ce que nous a dit Frédéric. Il m'a dit, je vais appeler, c'est trop compliqué. C'est vrai que c'est compliqué, regardez. Moi, je dirais Kcherzeski. Oui, voilà. Un peu comme celui qui chante Natasha. Voilà, qui habite Pont-de-Loup. Il a remporté les post-it Moby. D'autres cadeaux. Et je ne sais pas s'il faut se précipiter sur les premiers cadeaux, parce qu'il y aura un crescendo. Ah, peut-être. Mais cela dit, c'est l'émission, on peut gagner plusieurs cadeaux. Si Frédéric Skrzynski nous appelle 15 fois. Mais on va changer les modes de communication. Le prochain sera peut-être par email, par exemple. Voilà. Voilà. Eh bien... Je me sens un peu en reste. Je trouve que pas encore de cadeaux, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alors je vais vous offrir... mais je vais vous en parler d'abord. On va envoyer ça par la poste ? Oui, pourquoi pas. D'accord. Non, c'est lourd, c'est cher. Ah oui, c'est vrai, on n'a plus de budget. Ou alors le type vient le chercher à l'entrée.